Ainsi, je lance le verbe du bout de mon long nez, déplie ma cape verte sans honte comme un black Condé. Allons au Château Rouge ou au Château d'Eau acheter quelques pots de peinture Fontain, peinture Pinceau Picasso. Merci. Et quelques cheveux si beaux et si longs que les gens croiront qu'ils ont poussé sur ta propre tête. Oui, car il me te faut toi de ce soir jusqu'au matin. Allons, ne pleure pas de joie, jolie. Regarde ton mascara, tâche mes escarpins. J'aime les femmes, même les pas belles là. Sauf quand je ne les aime pas, ce que je cite en a cappella. Ainsi je me tue, car mon talent m'étouffe. Ainsi du final je ponctue ma tirade avant que l'on me la pirate. Merci. Merci.